Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 314e épisode de notre podcast. C'est un épisode qui est en réalité la deuxième partie du 313 que vous avez écouté il y a quelques jours de cela et dans lequel nous n'avions évidemment, bavard que nous sommes, pas pu tout caser. Je suis toujours en tandem avec Boris pour cet épisode. Oui, bonjour. Et nous allons donc continuer à dérouler notre grosse salve de chronique VO. Nous nous étions arrêtés sur Something is Killing the Children numéro 16 la dernière fois et nous allons reprendre pour une deuxième vague avec... Eh bien, je vais commencer du coup. Et puis on va commencer en fanfare, j'ai envie de dire. C'est le hasard qui veut que la coupure ait eu lieu là, mais alors on commence par une petite merveille. The Many Deaths of Layla Starr numéro 3. Ram V au scénario, Philippe Andrade au dessin. Quelle bombe! Je pense que tu l'as lu aussi, évidemment. Pas le 3, non. J'en suis qu'au 2, moi. Tu n'as pas lu le 3, pauvre de non, toi. Non, à moi. Quelle tristesse. Et alors, je ne vais pas spoiler grand-chose. Je vais juste, pour raconter un petit peu rapidement ce qui s'y passe, vous dire qu'une fois de plus, le chemin de Layla Starr, donc Layla Starr qui est... une incarnation mortelle de la mort. La mort a été condamnée à vivre parmi les mortels et à devenir elle-même mortelle, bien qu'elle puisse après repartir. Dans le numéro 2, on avait fait la connaissance de Darius, un jeune homme qui, on l'a appris plus tard, va découvrir l'immortalité. Ce qui est quand même un petit peu dangereux pour une personne qui est la mort. Donc, elle se met un peu en quête de trouver ce personnage, qu'elle croise d'ailleurs dans le numéro 2 sans savoir que c'est lui. Et leurs chemins vont à nouveau se croiser dans le numéro 3. Un numéro 3 absolument génial. Voilà. Si je dois vous convaincre, je vous dirais juste que le narrateur de ce numéro 3, c'est une cigarette. Je vous laisse voir comment, pourquoi. J'ai trouvé le concept et la façon que Ram V a de nous raconter l'histoire avec la voix de cette cigarette. Du coup, l'épisode dure le temps que cette cigarette se consume, donc c'est une fenêtre de temps très courte, mais pourtant il va se passer beaucoup de choses, elle va nous raconter beaucoup de choses, cette cigarette. Et c'est assez fou. C'est assez fou comme procédé narratif. Graphiquement, on est toujours dans les tonalités de rose, de violet, les couleurs comme ça, très, à la fois très douces, très chaudes. Vraiment, Philippe Andrade, j'aime beaucoup son style. Les deux premiers numéros étaient des coups de cœur, le troisième en est encore un. Il reste plus que deux épisodes déjà, et si ça continue comme ça aurait été un bien beau voyage. Donc, j'ai lu les deux premiers, mais effectivement, c'est exceptionnel. Ouais. Je pense que quand tu liras le troisième, tu vas prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, parce qu'il était vraiment... Il est peut-être meilleur que le deuxième. Donc, d'accord, bah, je crois que j'avais chroniqué le 2 et j'avais tu devras 10, inventer une nouvelle note. Ouais, le 10 plus ou je sais pas. Non, c'est fou, c'est fou. Tu verras, je te dis rien de plus que ce que j'ai dit qui est du coup pas spoilant du tout, mais voilà, si vous n'avez pas encore découvert Many Deaths of Layla Starr, allez-y parce que vraiment, c'est encore une petite pépite de Ram V. Encore une fois. C'est vraiment très, très bon et c'est vrai que comme tu le dis, le trait de Felipe Andrade, alors il fait les couleurs, mais je crois qu'il est aidé aussi aux couleurs. Mais c'est un artiste qu'on avait vu chez Marvel et qui a un trait un peu fragile quand même, hein, très fin, très indé. Et sur du super-héros, des fois ça fonctionnait moyennement. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent. Et avec ses couleurs, là, dans des teintes mauve, rose, bleutées un peu, ça donne vraiment une ambiance à la série qui est vraiment... vraiment intéressante. Il fait une partie. Donc je vais m'empresser. Vas-y. Ouais, vas-y. Non, bah oui, je sais qu'il fait une partie couleur, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est Inés Alvaro qui l'accompagne, qui l'assiste aux couleurs. Donc, il y a une vraie ambiance graphique, on va dire. Ouais. Qui porte l'histoire en plus, quoi. Complètement. Donc, ça risque d'être une nouvelle pépite Ram V à l'instar de Savage Shores. Ça sortira sans doute en VF hein, et je pense que si c'est effectivement comme tu le dis, si ça maintient le niveau, ça devrait être un succès j'espère similaire que The Savage Shores qui a été le gros succès iComics l'an passé. Je vais m'empresser d'aller lire ce numéro 3, il est dans ma pile mais voilà, j'ai lu d'autres trucs avant, honte à moi. Et il va falloir que. C'est Faut pas dire. grave, c'est pas grave. Tu Je reçois fais des piles que. aussi conséquentes. C'est ça, mais tu fais que différer le. Je ne sais pas qui m'envoie ces piles. Je ne sais pas. Je reçois des Je ne sais cartes. pas qui est cette personne. Tu ne Voilà. fais que différer un immense plaisir et que diminuer l'attente avec le numéro 4, donc c'est pas si mal finalement. Oui, c'est vrai. Non, puis c'est vrai qu'il y a des séries que j'ai très envie de lire, mais des fois, j'avoue que je manque un peu de temps et il y a des épisodes que j'ai pas envie de bâcler, entre Oui, guillemets. Voilà. Il y a je des séries où comprends tout on à se dit, fait. allez, j'ai 5 minutes, je me fais un petit épisode. Voilà, on sait qu'on va prendre un peu de plaisir, mais c'est, il y en a, on a envie de, voilà, de prendre D'avoir le le temps et temps, oui. de se dire, voilà, je vais pas être coupé, je vais pas avoir ceci qui va me gêner. Je Je veux pas être sais que j'ai fatigué, je veux pas. largement le temps. Voilà, aussi, oui. Ça compte Ah ouais, aussi. clairement. Et cette série en fait partie, donc sans vouloir me dédouaner, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore lu. Tu as bien raison d'en profiter. Alors, le grand moment arrive. C'est maintenant, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on en avait parlé ami dans la auditeur, ami première auditrice. partie. Nous avions fait un teasing dans le 313, à l'époque du C'est début de vrai. l'émission 313. Nous ne savions pas que nous allions la partager en deux. Vous n'avez donc pas eu ce grand moment, cette repentance de Boris. Elle aura lieu là, elle a lieu maintenant, dans quelques Bientôt, ça minutes. va arriver. Juste le temps pour lui de vous parler de Life Story. Mais au sein du pot pourri qui arrive, vous allez avoir enfin ce moment que j'attends depuis plusieurs semaines. Alors d'abord, prenons le temps. Je vais parler de Fantastic Four Life Story. Alors je vais faire vite parce que tu en as déjà parlé Ouais. dans le précédent, enfin le L'avant-précédent. 312. Voilà. Et je l'ai reçu depuis et je l'ai lu. Et je crois me souvenir que tu avais plutôt bien aimé. Hein. Oui. Alors moi je ne connais pas vraiment, il faut être honnête, l'origine des Fantastic Four. Je n'ai pas lu les premiers épisodes dans les années 60, donc je ne peux pas donner un avis éclairé par rapport à ce qui a été fait par Stan Lee à cette époque et en comparaison de ce que propose Mark Russell, puisque c'est Mark Russell au scénario, dans cet épisode. Moi je le lis connaissant les personnages, les différents vilains qui les affrontent, mais c'est tout, je ne connais pas bien l'origine. Et ben ce premier épisode est vraiment très sympathique, franchement. Alors j'ai bien compris qu'il y avait un aspect politique plus important que ce qu'a dû mettre Stan Lee dans ses Oui. histoires dans les années 60, évidemment. Mais franchement, ça se lit vraiment super bien. C'est bien rythmé, c'est bien écrit. Les personnages sont plutôt bien caractérisés, pardon. Et moi, je trouve que c'est un bon début de série. Alors après, c'est vrai qu'on a tendance à comparer avec le Life Story de Spider-Man de Zdarsky. Est-ce que ça va être en fait le même principe, c'est-à-dire une réécriture par décennie, vraiment avec des bouleversements comme Zarsky a pu mettre, Ah je bah sais ça, je ne pas. sais pas s'il y aura les bouleversements, mais en tout cas, le numéro 2 sur les années 70 vient de sortir. Donc Ouais. Parce que comme voilà, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence entre ce qu'a pu proposer Stan Lee et ce que propose Mark Russell pour cette première décennie. Donc je suis pas sûr que voilà la comparaison soit légitime. Par contre, c'est une très bonne histoire qui se lit vraiment bien. Alors peut-être que les fans des FF vont trouver ça un peu quelconque parce que il n'y a peut-être pas d'innovation, de nouveauté suffisamment importante. Mais moi, ça m'a bien convaincu et j'ai été assez séduit par le dessin de Sean Isaacs, que j'avais déjà croisé chez Marvel il y a quelques années et dont je n'avais pas gardé un si bon souvenir. Je trouve qu'il a un dessin vraiment très très propre et qui fonctionne très bien là, sur ce premier épisode. Donc, quand je l'ai pris, j'étais moyennement convaincu, même si j'aime bien Mark Russell. Là, franchement, je vais aller voir le 2 avec plaisir. Le voici, ce moment tant attendu. Mais quelle Je repentance vais va-t-il parler. donc faire? Alors, j'avais gentiment mais copieusement quand même détruit Radiant Black 1 et 2. Honnêtement, j'avais trouvé ça assez mauvais. Mais dans le dernier épisode de Comic Stories. Tu avais tenté de me convaincre que non, il fallait continuer car le 4 était renversé la table et à l'instar d'un invincible qui est mis en avant par l'éditeur. Ça changeait tout et que ça allait lancer la série. Donc, obéissant comme je suis, j'ai été voir et j'ai enchaîné avec le 5 également. Donc, ce qui prouve que j'ai dû être séduit. Eh Et oui. effectivement, je le reconnais. Alors, je ne m'attendais pas forcément à ça comme rebondissement final à la fin du 4. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je trouvais moi le personnage initial assez fade. Et donc là, il se passe quelque chose, effectivement. Et donc, Il l'est un peu moins, du coup, fade. Il l'est un peu moins et ça relance carrément la série. Et c'est vrai que l'épisode 5, même si la fin, le concept n'a rien d'inédit, hein, on va pas dévoiler, mais Non. c'est un vrai côté sympatoche et qui peut offrir si comment s'appelle-t-il, Kyle Higgins arrive à donner un peu de personnalité à son histoire. Qui ne fait pas entre guillemets un copier-coller de quelque chose d'autre qu'on a déjà lu. De Euh, lui. ça pourrait être fr franchement, oui, on va pas en dire plus. Ça pourrait être franchement sympa. Ouais. Et le 5, c'est Eduardo Frerigato. Je mets pas dans l'ordre Non, je crois que c'est ça, Ferrigato. les syllabes, Frerigato, qui dessine à la place de Marcelo Costa. Et j'avoue que là aussi, et c'est un petit peu embêtant pour le second nommé, parce que c'est lui le créateur et qui va revenir après pour la suite, je trouve son dessin bien plus personnel et plus intéressant. Je trouvais que le dessin de Marcelo Costa manquait de personnalité, était fade, là aussi. Et j'ai beaucoup aimé cette partie graphique. Donc, bon, a priori, c'était un épisode one shot pour lui, pour la série. Peut-être qu'il reviendra plus tard, mais c'est pas lui qui va reprendre la série de façon régulière. Donc ça, c'est de mon point de vue un petit peu dommage, mais je pense que ça a participé aussi au plaisir que j'ai eu à lire le numéro 5, qui graphiquement est vraiment de qualité. Notamment avec les couleurs aussi d'une jeune femme qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, Natalia Marquez. J'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment éclatantes et apportaient quelque chose vraiment assez, notamment à cette scène de combat là, qui dure un certain temps quand même. Et franchement, c'est très fun graphiquement. Donc voilà, je reconnais, mais ça n'enlève pas mon avis initial. Je pense que le début de la série ne peuvent pas convaincre tout le monde, je vais être gentil, dont moi. Bon, voilà, il a réussi à changer la donne. Et s'il continue sur le même niveau de qualité, avec le même esprit que les deux derniers épisodes, le 4 et le 5, ça pourrait être effectivement très bon. Voilà. Donc. Voilà, Je vais te laisser j'ai fait respirer un petit peu et je vais mon inverser mea deux culpa. titres sur le conducteur. Ah non, il te reste un Nightwing, pardon. Oh Oui, là là. voilà, ça va aller vite aussi, Nightwing. Alors, c'est Nightwing, j'ai rattrapé le 80 et le 81. Alors là aussi, j'en avais parlé l'autre fois, vous étiez avec Clément assez enthousiaste. Moi, j'aimais bien, c'était une lecture sympa, mais j'avais dit que j'avais pas bien, j'avais été surpris par le ton de la série. Mais maintenant que j'ai intégré ça dans mon esprit un peu lent, j'avoue que je suis bien bien accroché par cette série. Je trouve que Tom Taylor, voilà, livre avec le personnage quelque chose d'assez personnel et d'original qui tranche avec le super-héros habituel, quoi. Si on veut faire une comparaison un peu oiseuse, je dirais que c'est un peu, il y a un peu du Matt Fraction de Hawkeye et puis un peu du Daredevil aussi dans l'aspect street level caractère. Oui. Un petit peu ce mélange, quoi. Donc une vue un peu au quotidien du personnage, dans sa vie entre guillemets, tous les jours, sa relation, sa vie amoureuse, et puis à côté, un petit peu une intrigue voilà, urbaine où il va devoir intervenir et utiliser ses pouvoirs et ce genre de choses. Et j'avoue que le dessin aussi là de Bruno Redondo et Adriano Lucas participe beaucoup au plaisir que j'ai. Là aussi, c'est un dessin assez chaleureux quand même. Parce que c'est pas une série dramatique, hein, on va dire, même s'il va se passer, voilà, il se passe des choses un petit peu dures par moment. C'est quand même une série relativement légère dans beaucoup de scènes, et le dessin participe beaucoup à cette ambiance. Donc voilà, j'ai rattrapé mon retard, je suis à jour, et c'est une série que je vais continuer. C'est une des seules séries DC avec Swamp Thing que je lis, et je suis désormais bien accroché. Très bien. Je Cette te laisse. fois-ci, je vais inverser du coup pour que tu respires quelques temps et je vais parler. C'est gentil. Je vais pas m'étaler de longues minutes dessus, hein, mais c'était un numéro qui était très attendu, Venom 35. Oui. Je ne l'ai pas lu. Tu ne l'as pas lu. Non. Précision intéressante, mais de toute façon, je n'allais pas spoiler du tout. Venom 35, numéro 200 de la série Venom, 200e numéro de Venom qui sort, donc forcément plein de variantes cover, plein d'artistes, tout ça. Première chose intéressante dans ce numéro, c'est pas un pot pourri d'histoire pour rendre hommage au personnage, parce que c'est le numéro 200 et qu'on va nous sortir plein d'histoires sans intérêt, comme on le fait tout le temps. C'est 80 pages quasiment, et c'est 80 pages d'une seule histoire, écrite par Donny Cates, qui est la conclusion de son run sur un numéro qui n'est pas un numéro double du coup, mais un numéro quadruple. Voilà. Donc on a presque l'équivalent d'un TP en un seul single. Le père Donny Cates clôt ses intrigues. Il va clore trois intrigues. Il va clore l'intrigue autour de Eddie Brock, suite à ce qui lui arrive à la fin de King in Black, au nouveau statut, on va dire, qu'il a à la fin de King in Black. On va aussi boucler l'ultra courte intrigue autour de Flash Thompson. On va aussi voir un petit peu ce qui se passe autour de Flash Thompson et ce que devient le personnage. On a un caméo intéressant de Spider-Man aussi, quand on connaît les origines de Venom, du coup, une apparition, une séquence avec Spider-Man qui est très intéressante à suivre. Venom, à un moment ou un autre, a croisé les Avengers dans le run de Donny Cates, donc ils vont aussi avoir leur petite séquence, voilà. Et puis, dans une dernière partie, on va clore aussi les intrigues qui étaient entamées autour de Dylan. Dylan, qui est la création de Donny Cates, hein, le fils, du coup, d'Eddie Brock. Donc voilà, on va voir tout ce petit monde, toutes ces intrigues-là qui vont être bouclées. Donny Cates va refermer sa page et va déjà en ouvrir une autre. Voilà, il va nous teaser des choses par rapport au futur de Eddie, notamment, au futur de Flash Thompson et au futur de Dylan, que j'espère voir maintenant reprise par Ram V et Ali Wing. Parce que ce que nous propose Donny Cates comme ouverture pour la suite, j'ai envie de le voir. Donc j'espère du coup que le tandem qui reprendra la suite va reprendre ça. Mais après, je n'en doute pas trop, c'est des amateurs de continuité, surtout Ali Wing. Donc je pense pas qu'ils balayent tout ça et qu'au contraire, ils vont s'en servir. Et du coup, ça nous promet quelque chose de très très intéressant autour de Venom. Et une future époque, une future ère, du coup, avec le nouveau run qui s'annonce intéressant. Moi, je lisais pas du tout de Venom avant de lire le run de Donny Cates. J'aimais pas ça du tout. Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois. Donny Cates m'a accroché au personnage et peut-être à long terme si la suite est dans la même direction. Voilà, j'en dirai pas plus. Je veux pas dire ce qui se passe dans ce numéro, je ne veux absolument rien révéler. Allez le lire et vous verrez que vous en aurez pour votre argent. Et j'ai vu qu'il y avait quelques pages de Philip Kennedy Johnson. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette... Alors en fait, il y a plusieurs artistes dans le numéro. Je vais essayer de prendre la page des crédits pour... Non. Il vient écrire quelques pages pour teaser quelque chose ou... Pour n'en oublier aucun. Alors, qu'est-ce qu'on a Non, il est fait. Donny Cates signe le scénario de tout le numéro, sauf 10 pages à l'intérieur de ce numéro, donc les pages 40 à 50, qui sont scénarisées par Kennedy Johnson. D'accord, mais voilà. Ça n'a pas de... Ouais. Okay. J'ai même pas senti la rupture à titre personnel, mais effectivement, d'accord. Si maintenant que il y a un passage qui sort un petit peu, oui, effectivement, peut-être de... Okay. Non, je ne vais pas trop en dire parce que ce passage en question peut-être annoncera un projet de Kennedy Johnson. Donc, Je le lise. C'est vrai que Venom, moi non plus, ce n'est pas un personnage qui me séduisait particulièrement, mais Donny Cates a su dans ses 13-15 premiers épisodes quand même produire quelque chose d'assez impressionnant. Après, ça c'est un poil d'édité quand même. Un petit peu baissé en qualité, c'est un peu. Je pense qu'il a été parasité par ces events qu'on lui a de faire, qui auraient dû être des arcs de la série et qui ont été transformés par Marvel en events, et donc ça a un peu bouffé tout. Mais globalement, oui, c'est quand même un run de qualité où le meilleur aurait été le début, mais ça reste un pas. Et je vais lire cette conclusion et voir si ça me donne envie aussi, moi, d'aller voir. Le meilleur aura été le début et la fin pour moi, hein, parce que King in Black, si on considère que les épisodes de Venom sont des sortes de backup de la série principale King in Black, ça rend le truc vraiment bien. Mais faut pas effectivement considérer les épisodes de Venom comme des épisodes à part entière, du coup, on est dans le commercial de Marvel qui a souhaité détacher le truc, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, c'est un peu. Moi, King in Black, j'ai trouvé un moment qui avait quand même des longueurs un petit peu, dans les épisodes de la série notamment. En 5, c'était peut-être un peu trop, je crois. Oui, je trouvais que voilà, quelques moments un peu superflus, on va dire, hein. Beaucoup de bastons. Je suis pas le plus grand amateur de bastons, donc ça m'a ce qu'il y avait moins dans Absolute Carnage, mais Absolute Carnage était pas un event, hein. C'était un, comment on appelle ça, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'était plus recentré sur la série Venom, quoi. Oui, mais on avait quand même une série qui était en dehors, qui était extraite de Venom, hein, déjà, donc on peut appeler ça un event. Mais ça n'avait pas tout parasité comme King Black a utilisé tout l'univers Marvel. Voilà. Donc... Allez, puisque tu n'aimes pas les King in Black, tu dois aimer les clowns. Oui, j'aime beaucoup les clowns depuis le début de la série Aha, notamment. J'ai chroniqué par écrit les quatre premiers auxquels je n'ai pas dû mettre moins de 9. Et je n'ai pas chroniqué par écrit le 5. Celui-ci m'a moins convaincu. Alors, c'est toujours scénarisé par W. Maxell Prince. Celui-ci était dessiné par Gabriel Hernandez-Valta. Et c'est comme les autres, hein, c'est des histoires one-shot, c'est anthologique. On retrouve un personnage lié au clown. Alors là, c'est l'histoire d'une femme qui a été artiste de cirque dans sa tendre jeunesse et qu'on retrouve à un âge bien avancé et qui a gardé, on va dire, au niveau du visage, son apparence clownesque, puisqu'elle a un maquillage de clown avec les lèvres rouges, le nez rouge. Enfin voilà, on imagine bien le type de maquillage. Et on le voit dans les premières pages, semble être quand même bien mal embouché, avoir mal tourné, hein, une vieille peau un peu, on va dire. Et elle terrorise un petit peu ses voisins et le quartier, les gens n'osant pas trop aller les s'y frotter. Et en parallèle, on voit une bande d'ados qui s'amusent et qui se lancent des défis. Et parmi les défis, y en a un qui tombe sur comme défi d'aller chez cette vieille peau et d'aller dérober un objet, voilà, ramener un objet pour montrer qu'il est bien rentré dans la maison. Donc il va se plier bien malgré lui à ce jeu. Et ça va être, on va dire, la rencontre entre ce garçon timide et effrayé un petit peu et cette ancienne artiste de cirque qui est plongée dans la nostalgie, clairement, hein, et qui n'apprécie pas de vieillir et qui se souvient amèrement de ses belles années. C'est une histoire sympathique qui est autocontenue, qui a ses petits moments sympas et plaisants, mais on n'est pas du niveau des quatre premiers. Voilà, il y avait dans les quatre premiers comment dire, quelque chose de vraiment touchant et de voilà, une certaine émotion. Là, je l'ai lu de façon agréable, mais j'ai pas été touché. À aucun moment, ça m'a vraiment touché. Donc, une bonne petite histoire, mais sans doute l'épisode le plus faible, même si le terme faible est un peu dur, le moins palpitant, on va dire, de la série jusqu'à maintenant. Donc, il en reste un, je crois, le 6, qui sera entièrement réalisé par l'équipe d'Extreme Man, Martin Morazzo et Chris O'Halloran. Donc, j'irai bien sûr le voir, le lire, et ça conclura la série anthologique. Ouais, Voilà pour ce ce ha-ha. dernier numéro qui joint un petit peu les deux m'intéresse particulièrement. Oui, je pense qu'ils vont se faire plaisir. Ouais, Il y a de grandes ouais. chances. Juste avant un numéro 25 d'Ice Cream Man en guise de festival, ce sera cool. Très bien. Je continue Tu sur ma continues lancée. effectivement avec du Chips Darsky, Là, tiens. Ça ouais. faisait Alors longtemps. ça, c'est les deux prochains, je vais faire deux à la suite. C'est des épisodes qui sont sortis il y a un certain temps, puisque leurs successeurs sont déjà sortis, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. La première série, c'est Stillwater, de Chip Zdarsky, Ramón Caperez et Mike Spacer, qui avait fait un premier arc vraiment sympathique. Pas le gros coup de cœur énorme, mais vraiment une série vraiment très agréable à lire. Donc, pour rappel, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, de mémoire, recevait une lettre lui indiquant que sa mère était morte, je crois. Je me souviens plus exactement, c'est vieux. Et donc, qui se rendait dans le village, dans la ville Oui, c'est ça. c'est ça, hein, de son enfance. Et puis, il s'apercevait qu'en arrivant dans la ville, il y avait un vrai truc fantastique, on va dire, au niveau de cette ville, puisque les personnes ne peuvent pas mourir. Donc, il se retrouvait prisonnier de cette communauté qui voulait garder son secret. Donc, à la fin de l'arc précédent, je crois que je l'avais chroniqué à l'oral, j'avais dit que ça faisait pas vraiment fin d'arc, quoi. Je trouvais un peu bizarre de finir comme ça. Mais ça redémarre avec la même situation. On a une bande de types qui, armés jusqu'aux dents, une sorte de milice un petit peu, qui vient s'en mêler de cette communauté qui a bien envie de prendre un peu les rênes de la ville et de cette communauté. Et j'étais plutôt agréablement surpris. Je trouve que ça relance bien la série. Les surprises sont plutôt bienvenues et assez intéressantes. Ça saigne pas mal. J'aime bien moi le dessin de Ramón Caperez. Je trouve que c'est assez, assez original, même si sur les visages, des fois, c'est un peu bizarre. Ils ont des têtes, suivant les positions qu'ils ont, les expressions un peu étranges. Mais le reste, ça fait un bon univers graphique. Et le cliffhanger de fin est assez surprenant. Je ne sais pas trop où ça va nous emmener, mais je pense que Zdarsky va trouver des bonnes idées. Donc j'ai pris plaisir à reprendre la lecture de cette série pour son deuxième arc. L'autre série, c'est Seven Secrets. Donc là aussi, on était en. Là, c'est le deuxième épisode de l'arc, même si le premier épisode qui a redémarré le nouvel arc était un épisode one shot que j'avais chroniqué à l'écrit et qui était vraiment très bon. Là, on reprend vraiment le cours de la série, on va dire, à proprement dit. Donc, c'est Tom Taylor au scénario, Daniele Di Nicolo au dessin et Walter Biamont aux couleurs. Eh bien, j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup action. Ça, c'est un petit peu, entre guillemets, un épisode de mise en place pour la suite. Ça n'a pas été le coup de cœur de certains épisodes du premier arc. Mais ça redémarre sur les chapeaux de roue. C'est surtout beaucoup d'action. Il n'y a pas énormément de nouvelles choses introduites. Mais le taf graphique de Di Nicolo est quand même toujours aussi bon. Hein. C'est vraiment un artiste qui a un dynamisme impressionnant sur ses pages. Et puis bah, voilà, l'univers se développe petit à petit. Voilà, il n'y a pas des grosses révélations. Mais on est reparti pour un bon moment de lecture. Moi, c'est une série qui me plaît toujours et qui, si j'ai bien compris, devrait sortir en VF chez Delcourt en 2022. Je crois avoir vu ça quelque part, mais je ne sais plus où. Voilà, une bonne. Tom Taylor a bien réussi à lancer sa première série indé il y a plus d'un an maintenant, un peu moins d'un an peut-être, et ça continue toujours de façon qualitative. Moi, j'apprécie toujours. Voilà Intéressant de savoir que c'est Delcourt qui sortira ça. Je crois. Hein. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je crois que. Je sais plus. J'allais dire, je l'ai vu dans une vidéo. Je crois que Sullivan High Comics voulait l'avoir et il n'a pas pu l'avoir. Parce que bah, les pépettes n'ont pas suffi. Il y a quelqu'un qui a proposé autre chose. Et j'ai cru voir sur les réseaux à un moment que c'était Delcourt. Mais bon, il n'y a rien d'annoncé officiellement. Donc si je me trompe, je m'excuse auprès de tout le monde. Mais je crois avoir vu ça. D'accord. Très bien. Je vais enchaîner avec le premier numéro d'une série en 6. Enfin, premier numéro, pas tout à fait, puisqu'il y avait un numéro 0 il y a 2 mois déjà. Je parle de Infinite Frontier chez DC. C'est scénarisé par Joshua Williamson, un de mes scénaristes fétiches, et illustré par Xermanico. Cette mini-série Infinite Frontier sera en 6 parties, et clairement, c'est une mini-série qui sert à amener l'univers DC jusqu'à sa prochaine crise, qui aura lieu, elle, en 2022. Voilà. Donc ça fait office un petit peu de prélude à la crise qui va arriver, et où on va un petit peu nous mettre des choses en place, en bouleverser certaines, enfin voilà. Sachant que c'est Williamson au scénario, que Williamson est un grand amateur de continuité, on peut lui faire confiance pour nous ramener certaines choses du passé, les réutiliser, etc. Je suis plutôt confiant. Et quand j'ai lu, et après à la lecture de ce premier numéro, je suis toujours confiant. Parce que vraiment, ce premier numéro est assez solide, surprenant et intrigant à la fois. Enfin voilà, le cliffhanger, notamment la dernière page, nous montre quelque chose de, ma foi, inattendu. Voilà, donc j'ai hâte de voir dans 3 semaines ce qu'il va nous faire de tout ça, le père Williamson. On voyage dans les dimensions, sur les différentes terres de l'univers DC. Principalement, ce numéro se situe quand même en grande partie sur la Terre 23, qui est celle du Superman Black, le président Superman. Une planète sur laquelle s'est écrasé un vaisseau un peu en plein Kansas. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, qui vient de l'espace, mais qui dedans ne contient pas un kryptonien, mais quelqu'un de Gotham, mais d'une autre Terre. Puisque c'est le Batman de Flashpoint qui est là et qui vient de s'écraser sur la Terre 23 et qui va être recueilli, etc. Enfin bref. Et puis vont s'enchaîner plusieurs événements. On va voir des personnages comme Alan Scott, notamment Captain Carrot est de la partie aussi. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages du multivers DC qui sont utilisés. Une équipe assez intéressante qui est créée pour l'occasion par Joshua Williamson avec plusieurs héros du multivers. Et ma foi, c'est assez emballant tout ça. J'ai bien envie de voir la suite. Donc Williamson, pour le moment, signe un bon début et ça risque d'être assez cool, cette Infinite Frontier. Et donc le chemin jusqu'à la prochaine Crisis devrait être assez agréable. C'est un scénariste qui tient la route quand même, hein, ouais. Globalement. Oui, et puis là, il pose des concepts, il utilise des personnages, et il pose des concepts assez intéressants. Et, il joue avec le multivers, il joue beaucoup avec le multivers, il en plaisante d'ailleurs à un moment. Quelqu'un à un moment demande de trouver Flash, du coup, forcément, on lui demande lequel. Donc on le parie à Allen, ok, mais lequel? Et voilà. Petit jeu comme ça autour de la multiplicité des Flash et la multiplicité des versions de Barry Allen. C'est voilà, un petit clin d'œil. Puis quand on sait qu'il a écrit Flash en plus. On va dire que c'est pas un épisode pour les tornovices quand même. Hein, vaut mieux connaître son univers d'ici parce que le père Williamson, il prend pas le temps de nous prendre par la main. Hein. Oui. Il nous dit pas, mais si, rappelez-vous, vous avez vu ça. Non. Il y a quelques petits encarts éditoriaux qui nous disent. CF, Death Metal notamment, des choses comme ça. Mais c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin. S'ils incitent à aller voir Death Metal en plus, là, ça va plus. C'est terrible, hein, parce que tout va découler de ce truc-là. Hein. Ah là là. Future State va découler de Death Metal. Le nouveau statu quo de l'univers DC découle de ce qui s'est passé dans Death Metal. Infinite Frontier en reprend certaines des conséquences de cet event-là. Et moi, j'ai pas envie d'aller le lire. Ouais, c'est un peu embêtant, surtout que Snyder a disparu des radars d'ici maintenant. Donc, ouais. Mais il aura quand même bien imprimé sa patte, sa grosse patte, on va dire. Ouais. Bon, ouais. Après, moi j'ai arrêté depuis longtemps, mais bon. Là, je pioche quelques séries comme Nightwing, mais pour l'instant, et je pense avoir un certain temps, je ne me relancerai pas dans des choses plus denses et plus impactantes, on va dire, sur l'univers. Donc là, je t'ai écouté religieusement, mais j'avoue que je suis pas rentré dedans. Là. Une petite diète, ça fait du bien, des fois. Oui, bah oui. Là, il y a tellement d'autres lectures intéressantes. Moi, pendant des années, je n'ai pas lu de Marvel. Je n'ai jamais eu autant de Marvel que depuis quelques années, que c'est que Daredevil, Venom, Guardians of the Galaxy, ce que je lis, enfin, les life stories, les choses comme ça. Enfin, voilà. C'est souvent la qualité qui fait qu'on se rapproche, hein, oui, et qu'on va voir. C'est ça. Allez, je te laisse enchaîner avec du Marvel, justement, tiens. Du Marvel et du Daredevil, donc c'est toujours Chibzarsky, Marco Chieto. Alors, il y a un autre dessinateur qui est déjà venu, il s'appelle Mike Hawthorne. Et c'est colorisé par Marcio Menitz. Alors déjà, graphiquement, on voit quand même la différence entre les deux artistes. Et ce n'est pas au bénéfice de Mike Hawthorne, quand même, j'ai été un petit peu pas déstabilisé, mais on voit la différence quand même entre les deux, puisqu'ils se partagent l'épisode, on va dire, quasi moitié-moitié, ou deux tiers, un tiers peut-être pour Keketo, mais... Et franchement, je ne suis pas trop fan quand même, hein, de ce dessinateur. Donc au niveau des expressions, des visages, c'est pas top top, ça m'a un peu sorti, pas sorti de la lecture, mais voilà, je trouve que son Daredevil est pas super. En termes d'histoire, Chibzarsky continue ses multiples intrigues qu'il a lancées. Je trouve que certaines tournent un petit peu en rond. Depuis deux épisodes, avant c'était le haut de la pile, ça arrivait, c'était quasiment lu dans la foulée. Là, ça monte doucement dans la pile, mais je le lis, là je l'ai lu qu'aujourd'hui, alors que je l'ai depuis quand même plusieurs semaines. Je trouve que ça tourne un tout petit peu en rond. Voilà, ça n'a plus l'impact que ça a eu, même si le cliffhanger est encore assez, assez bluffant et propose quelque chose qui devrait être intéressant. Mais je trouve que cette intrigue de Daredevil en prison, ça commence à être un petit peu long. Alors on sent que ça approche quand même de la fin, et même si bon, c'est pas vraiment sûr, quoi, avec ce qu'ils disent. Je pense quand même qu'il va le faire sortir à un moment ou un autre assez rapidement. Mais je suis moins accroché depuis deux, trois épisodes que je ne l'ai été. Ça reste bon, ça reste agréable, mais ça n'est plus le coup de cœur que c'était. Donc il y a une intrigue toujours avec Elektra, et la jeune fille qu'elle avait recueillie, et là il y a, une séquence assez choc un peu. Donc ça c'est plutôt pas mal. La partie avec le Kaïd, c'est de la transition, on va dire, hein, il n'y a pas de choses très nouvelles. Et puis c'est la partie avec Daredevil, moi, qui me lasse un tout petit peu. Voilà. Donc agréable, mais on n'est plus pour le moment. Je ne sais pas, je pensais qu'il devait Il devait s'arrêter au bout de 30, là il est reparti quand même pour continuer un peu. Alors Apparemment. est-ce que Marvel lui a demandé de continuer vu le succès de la série et qu'il ne faudrait pas qu'il se perde un peu, quoi, hein, qu'il étire, étire, étire la chose? Mais voilà, de mon point de vue, ça a moins de force que ça ne l'a eu. Je suppose que tu l'as lu, ce 30. Oui. Effectivement, on n'est pas dans un pic d'intensité, on va dire. C'est poliment dit. Voilà. Mais ça continue à m'enthousiasmer parce que j'aime quand même ce qui se passe. Enfin, j'aime le style de Darski sur la série, donc je continue à être enthousiasmé. Mais effectivement, c'est pas le meilleur numéro du run. Voilà. Ouais, je trouve que ça tire un peu quand même en longueur. Je sais pas. Il avait su jusqu'à maintenant quand même à chaque fois renouveler sa série, voilà, nous surprendre. Là, c'est pas un épisode où il y a des surprises, rien n'est surprenant, quoi. Alors après, on peut pas demander à une série d'être tout le temps dans la surprise, le rebondissement, la surenchère, et voilà. Mais ça fait deux, trois épisodes où c'est un petit peu ça, justement. Et donc après, peut-être que dans quelques mois, je ferai mon mea culpa à nouveau pour ce Daredevil, mais bon, on verra bien. Je ne sais plus, non, Non, attends, si j'y c'est reviens. toujours à C'est moi. toujours Oh toi, là oui. là là là, oh là là, c'est fou ça. Alors, ensuite, on repasse en indé avec du Terry Moore, Serial 3 et 4. Il y a longtemps que j'en ai pas parlé parce que là aussi, ça, j'ai laissé traîner un petit peu. Et puis, c'est pas pour l'instant la meilleure série de Terry Moore, même si c'est agréable à lire. Alors je l'ai déjà dit, Terry Moore en single, ça manque un petit peu de densité, ça se lit un petit peu vite par moment, même si là ceux-là sont plutôt corrects les épisodes. Donc ça s'appelle, donc c'est Serial, c'est autour du personnage de Zoé qui est personnage principal et qui dont une connaissance, quelqu'un de proche, le compagnon a été tué au tout début de la série, et elle mène sa propre enquête de son côté. Pendant que la police tente elle aussi de mener son enquête, mais Zoé a toujours un temps d'avance sur la police. Donc on suit en fait la personne qui commet ces crimes, qui est une serial killer qui s'occupe d'individus plutôt genre agresseurs sexuels ou voilà, ou qui ont des comportements avec les femmes loin d'être adéquats. Et donc elle s'occupe de les flinguer, de s'en débarrasser de façon souvent assez, assez sanglante. Et comme le personnage qui a été tué au début était victime de cette personne, voilà, Zoé enquête et la suit. Ça se lit bien, j'ai lu le 3 et le 4 à la suite, donc c'est évidemment la densité a augmenté. Ça se lit de façon plutôt agréable. On verra par la suite où ça va aller. Pour l'instant, je préférais quand même les séries précédentes. Les séries régulières, hein, pas le graphic novel qui était paru à l'automne, que j'avais pas trop aimé, mais en termes de séries régulières, c'était un petit peu plus riche et original les fois précédentes. Mais bon, la série n'est pas finie et je vais suivre, hein, bien sûr, je suis un grand fan, et puis sans doute qu'à la fin, ça fera un ensemble tout à fait lisible et très agréable. Mais voilà, mon opinion à l'heure actuelle est celle-ci. C'est sympa, mais pas le best, la crème de Terry Moore. Ok, bon. Fait deux, trois projets que tu dis ça. Non, juste le dernier, le Ever, là, qui était sorti en graphique novel. Puis là, je m'étais franchement ennuyé, celui-ci. J'avais pas retrouvé la patte de Terry Moore. Mais le précédent, c'était 5 Years. Voilà, si, j'avais bien aimé, moi. C'est vrai que c'était un espèce de crossover, donc ça faisait un petit peu fourre-tout, entre guillemets, mais il y avait quand même, on retrouvait les personnages, il y avait vraiment ce ton auquel il nous a habitués. Là, il y est par moment, mais pas tout le temps, mais peut-être que voilà, c'est la lecture épisode par épisode qui fait ça. Quand ça sortira en collecté, sans doute chez Delcourt, je serai sans doute un candidat numéro un et je le relirai. Et là, peut-être que mon avis évoluera un petit peu. Ok. Allez, je te laisse la place. La place, c'est pour. Bon, ça va être rapide. Hein. Static Season 1, numéro 1, chez DC encore. C'est le retour de l'univers Milestone qui a connu ses grandes heures il y a ouh là là, bien longtemps maintenant. Hein. C'était il y a une vingtaine d'années, je dirais, et encore, je ne suis même pas sûr. Vita Ayala au scénario, Chris Cross au dessin, accompagné de Nicolas Draper-Ivy. J'avais lu le one-shot Milestone Returns, comme ça, voilà, histoire de changer un petit peu de lecture, de lire autre chose. Donc, on nous racontait l'histoire d'une manifestation Black Lives Matter qui tourne mal et qui est en fait qui fait office de ce qu'on appelle le Big Bang, qui a vu il y a un événement qui se passe pendant cette manifestation, qui voit l'émergence du coup de nouveaux personnages à pouvoir, parmi lesquels ce fameux Static. Et moi, j'avais bien aimé la partie qui était consacrée à Static, et je m'étais dit, j'irai voir au moins le numéro 1 pour voir si ça se confirme ou pas. Donc, on suit l'histoire de Virgil Hawkins, qui est le nouveau Static, continue à découvrir un peu ses pouvoirs, à les maîtriser, et on voit surtout sa vie en parallèle de tout ça. Et c'est un personnage assez intéressant, parce que on n'a pas forcément souvent des personnages... de jeunes personnages comme les Virgil, qui doit avoir une quinzaine d'années, je dirais, avec autant de colère. Là, on a vraiment un personnage qui est très en colère, qui a beaucoup de choses dans sa vie, à tort ou à raison. Hein, je laisse chacun se faire son avis, mais il y a des choses qui, pour moi, sont des colères plutôt légitimes parmi toutes les différentes colères qu'il ressent. Et avoir les pouvoirs qu'il a eus, en ayant autant de colère en soi à gérer, ça crée une espèce de mélange qui peut être assez détonnant, potentiellement assez dangereux. Est-ce que ce personnage va rester dans le droit chemin, ou est-ce qu'à un moment ou un autre, la colère va faire qu'il va briller ou pas? Je n'ai pas la réponse, mais c'est tangent. C'est très tangent. Surtout qu'il a une espèce de némésis en face de lui, qui est un personnage qui lui mène la vie dure depuis des années. Qui a lui aussi des capacités qui ont été développées dans cette manif et de l'événement qui a eu lieu. Et du coup, voilà, moi c'est le côté jeune personnage plein de colère qui doit gérer ses sentiments et gérer ses pouvoirs en même temps, qui m'intrigue, et j'ai envie de voir un peu jusqu'où ça va aller tout ça. Et c'est assez intriguant, intéressant. C'est pas le meilleur de DC, hein, clairement, mais voilà, c'est un personnage qui a le mérite d'être différent de ce qu'on lit habituellement, de par sa caractérisation. Donc voilà, ça suffit pour le moment à me dire je vais continuer. C'est une mini-série en 6, hein, cette season 1 de Static, donc c'est pas non plus très engageant. Hein. On verra si le numéro 2 m'accroche, j'irai sans doute à la fin. Sinon, voilà, ça sera peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, je suis bien content de ce que j'ai lu. Donc je continuerai Static. Je suis peut-être le premier surpris de dire ça. Et c'est à toi, du coup, pour... Ouais. Aller vite, aussi. Une série événement. The Last Ronin, numéro 3. Alors, j'avais parlé du 1 et du 2 à l'écrit, et j'avais énormément aimé ces deux premiers, malgré leur prix prohibitif de quasi 9$ pour pas beaucoup de pages de plus qu'un épisode classique. Alors, on te dira du côté d'IDW, mais c'est le format, monsieur. Oui, bah oui, bien sûr, oui. C'est la cash machine surtout, hein, je pense, parce que je pense qu'ils ont bien sorti ce projet. Même avec un format comme ça, c'est pas 9$, quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas dans les secrets de l'édition et de la fabrication de livres, mais je pense que il doit avoir une bonne petite marge. Oui. Les deux premiers étaient vraiment excellents parce que on retrouvait tout l'esprit des tortues dans un monde futuriste, un peu dystopique, voilà, où tout avait basculé, il y avait un grand méchant qui est une sorte de dictateur, quoi, un tyran, voilà. Et il y avait plein de surprises, quoi, la réutilisation, on va dire, de la mythologie des tortues pour des rôles différents, des jeux différents, qui étaient vraiment, vraiment sympas. Et ce troisième, une fois que tout a été mis en place, c'est essentiellement beaucoup d'action. Voilà, une révolte face à ce personnage. Et... ça se lit sympathiquement, mais ça n'a pas la force et l'originalité des deux premiers. Donc, un petit peu déçu, même si bon, la barre était assez haute, hein, quand même. Donc, ça reste tout à fait correct. Je vais continuer. Je crois que c'est en 5. Alors, il faudrait quand même que les deux suivants soient un petit peu plus originaux, on va dire. Et à 9$, ça va peut-être me lasser quand même, surtout que ça sort en VF bientôt, donc et pas à 5 fois 9$. Donc... faudrait quand même que on retrouve un petit peu cette originalité, ce souffle qu'avaient les deux premiers. Là, ça demeure du comics de base, on va dire, assez comment on dit, pas du tout venant, mais bon, je ne trouve pas l'expression que je veux utiliser, mais tout le monde aura compris. Donc un petit peu mitigé sur ce numéro 3. J'espère que le 4 rehaussera le niveau. Je ne sais pas s'il y a encore un délai incroyable d'ici le 4, On est mais parti sur route, je crois. ouais, quand même encore un peu, hein. Ouais. Donc C'est après au niveau pas, ouais, c'est pas cool, je niveau trouve. graph, bah il y avait déjà un énorme écart entre le premier et le deuxième. Je crois que c'était quasiment 6 mois ou un truc comme ça. Hein. 11 août, ouais, effectivement. Et le 3, je sais plus. Peu importe, mais bon, il y a beaucoup de délais, hein, 26 mai le 3. Il y a beaucoup de délais entre chaque épisode. Les épisodes sont très chers. Si vous n'avez pas commencé, franchement, je vous conseille d'attendre la VF ou d'attendre un collecté en VO si vous préférez lire en VO. Parce que finalement, voilà, c'est un peu mon petit cœur de fan des tortues qui sortit iComics qui m'a fait aller vers cette série. Puis c'est vrai que le premier épisode était quand même un vrai coup de cœur. Maintenant, si ça rentre dans le rang, ça va être un peu décevant. Et je Ouais. crois que toi, tu es encore plus sévère que moi. Oui, moi je me suis fait chier sur le troisième. Voilà, je n'ai. C'est un résumé. Voilà, franchement. Ouais, le troisième, moi, m'a profondément. J'ai trouvé long, quoi. J'ai trouvé ça interminable. Alors, j'étais peut-être fatigué, j'en sais rien. Enfin, il y a toujours de bonnes excuses, mais toujours Non, mais il n'y a pas de est-il que. surprise, c'est de l'action, quoi. On aurait pu retrouver ça dans n'importe quelle autre série. De comics d'action dans un univers un peu futuriste. Voilà, il n'y a pas l'originalité de l'univers des tortues qui est réexploité et qu'on avait dans les deux premiers, et surtout dans le premier. Donc bon, Voilà. plutôt mitigé. Voilà. Après, ce serait à 4 $, peut-être qu'on serait un peu moins sévère. On dirait, bon, bah, c'est pas exceptionnel, mais c'était cool, on a passé un bon moment. Mais à 9 $, là, c'est un petit peu abusé quand même. On ne peut pas faire abstraction quand même de ce prix exorbitant quand même, il faut quand même le dire. Mais non, non. C'est pas, c'est pire que les trucs d'ici à 10 $ où il y a quand même plus de pages, même si bon, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Là, c'est presque plus de l'arnaque quand même. Donc Ouais. voilà. Allez, finissons, je Euh, sais je pas vais si en, je vais en finir avec Batman Urban Legends numéro 4, qui sera donc le dernier titre que l'on chroniquera ce mois-ci. Pourquoi je parle de celui-là alors que je n'ai pas forcément parlé des précédents? Parce que j'ai fait un gros rattrapage, j'avais lu le premier, puis je m'étais arrêté, parce que je ne trouvais pas le temps. C'est quand même des gros numéros, c'est Urban Legends, donc j'aime bien les lire d'une traite. Et là, j'ai pris le temps de les lire, les 2, 3 et 4, et franchement, c'est toujours aussi agréable, vraiment. Alors, c'est un format anthologie, hein, donc on a quatre histoires à peu près par numéro. Donc là, dans ce numéro-là, on a la quatrième partie sur 6 de Red Hood and Batman par Chip Zdarsky et Eddie Barrows pour les dessins. Donc c'est forcément la série d'appel, hein, que cette partie-là de Batman d'Urban Legends. On a une histoire sur Batwing dans ce numéro. On a la première partie sur 3 d'une série sur Tim Drake. Et puis on a la quatrième partie sur 5, cette fois-ci, du Grifter par Matthew Rosenberg. À chaque fois, c'est l'équivalent d'un single. Hein. Quand je vous parle d'une partie, on est sur une vingtaine de pages. En tout cas, pour l'histoire de Chip Zdarsky, on est sur un single classique. Hein. Et puis sur les autres, il y a toujours une histoire qui est un peu plus courte, qui fait une dizaine de pages. Et puis bah, Tim Drake, enfin tout ce qui est séparé en plusieurs parties, en général, on est sur l'équivalent d'un single ou d'un petit single. Donc il y a de la quantité, il y a de quoi lire. Et puis moi ça me plaît bien. Je trouve que c'est pour le moment j'ai pas d'histoire qui me déçoit vraiment. J'accroche pas un Grifter parce que j'aime moins le personnage, mais ça reste de qualité. Mais vraiment la série Red Hood de Chip Zdarsky est très cool. On est sur Red Hood qui reproduit en partie le schéma en portant secours à un enfant qui se retrouve orphelin. Qui va recueillir, protéger, enfin voilà, il reproduit un peu le schéma de ce que Batman avait fait pour lui quelques années auparavant, et c'est intéressant du coup, quand on connaît la relation conflictuelle entre lui et Bruce, de le voir lui passer par certaines émotions qu'a pu ressentir Bruce, et peut-être mieux le comprendre, et du coup ouvrir peut-être la voie à des relations plus apaisées, voilà. Donc, moi j'aime bien cette écriture par Zdarsky et la relation qu'il dépeint entre Bruce et Jason, et puis ce petit garçon qui vient se mettre au milieu de tout ça. C'est vraiment intéressant, c'est le gros point fort de la série, hein, de Urban Legends, on va pas se le cacher. Bien que l'histoire sur Tim Drake qui vient de commencer dans ce numéro 4 est cool aussi. C'est scénarisé par Megan Fitzmartin et Belen Ortega pour les dessins. Globalement, toutes les parties graphiques sont solides. Et de manière générale, les histoires contenues dans cette anthologie sont vraiment de bon niveau, avec évidemment une mention particulière pour le Red Hood et Batman de Darski, je vous le disais. Donc, Urban Legends, parmi les nouveaux projets de DC là, qui se lancent un peu dans les séries anthologiques et tout, ça fait vraiment, vraiment le taf. Voilà. Contrairement à Wonder Woman Black and Gold qui est sorti la semaine dernière et que j'ai trouvé absolument pas terrible, mais ça, je n'en parlerai pas. Voilà pour dernière chronique. Oui, tu allais dire quelque chose. Je ne lis pas, enfin je l'avais déjà dit, mais moi j'attends une version collectée VF notamment, je pense. Donc j'irai certainement voir vu ce que t'en dis. Il y aura du TP, il y aura sûrement du TP, je ne sais pas comment ils vont le collecter d'ici, parce qu'ils vont faire je ne pense pas qu'ils fassent un recueil de Batman Urban Legends numéro 1 à 6 avec toutes les histoires qui vont s'en mêler. Je pense qu'ils vont faire un TP avec l'histoire de Zdarsky, et puis peut-être un ou deux autres avec d'autres histoires à côté qui auraient eu du succès auprès du public, mais du coup Urban reproduira sans doute le même schéma. Mais c'est marrant parce que le kiosque est mort en VF, et quand on lit Urban Legends, on a l'impression de lire un bon vieux kiosque comme Panini et Urban le faisait à la grande époque. C'est assez marrant que ce qui est mort en VF ait tendance à émerger outre-Atlantique. Des cycles, peut-être que ça reviendra. C'est rigolo. Parce que là, on a vraiment un numéro qui s'intitule Batman Urban Legends, qui contient quatre séries. Quoi. Enfin, une histoire qui est en one-shot, et puis trois séries qui se suivent, de numéro en numéro. Et puis les séries vont chevaucher. Il y en a une qui va se terminer, une autre va prendre le relais pendant que les autres continuent. Enfin, voilà, on a vraiment ce format magazine kiosque à l'ancienne, quoi, que nous, on connaissait. Ouais, si ça marche, peut-être qu'ils reproduiront l'initiative. Peut-être. Les soucis de distribution en France font qu'à mon avis... Oui. Par rapport pas en à la France, mais ouais. Chez DC, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ouais, ils ont tenté quelque chose qui, pour moi, fonctionne bien. Donc. C'est encore sur Batman, ils ne prennent pas trop de risques, mais c'est intéressant. Et j'aimerais bien qu'ils tentent le coup sur peut-être Superman ou peut-être des personnages un peu plus annexes de la Justice League qu'on n'a pas l'habitude de voir mis en avant parce qu'ils n'ont pas la force de supporter une série tout seul. Mais les regrouper ensemble au sein d'une espèce d'anthologie comme ça, ça pourrait marcher. Parce que clairement, les personnages qu'on a là dans l'univers de Batman, Grifter n'a pas le potentiel de... On aurait sorti une mini-série en 5 Grifter, personne ne l'aurait acheté. Oui. Même l'histoire de Tim Drake en 3 parties, je ne suis pas sûr que ça ait parlé à grand monde. Mais là, c'est mis dans un gros numéro, avec une histoire un peu locomotive, et du coup, c'est intelligent, je trouve. Ça permet de développer des personnages qu'on aurait peut-être pas vus pendant des années. Oui, après, il faut que ça soit qualitatif si c'est du bouche-trou. Pour justifier juste le prix. Et oui, voilà, là pour le coup, ça n'en est pas, c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien. On va voir sur la durée ce que va donner cette série, mais voilà, pour le moment, les démarrages sur les 4 premiers épisodes, moi j'accroche vraiment. Donc on finira sur une touche positive, cette 314e émission. On se retrouvera. Une petite pensée pour les fans de Clément? Ah oui, du coup... Il arrive, mais c'est fini. Voilà, c'est trop tard. Voilà. Il reviendra la prochaine fois. Exactement. C'est pas grave. Les fans de Clément auront eu deux émissions sans lui, et ses détracteurs auront eu deux émissions sans lui. On se retrouve donc pour le 315 d'ici quelques semaines. Oui, d'ailleurs, on va avoir plein de choses à lire. Hein. Pour vous, auditeurs, vu que nous avons découpé en deux le 313, 314 et diffusé à peu près à 2 semaines d'écart, je pense que ce sera diffusé avec à peu près 2 semaines d'écart les deux parties. Vous n'aurez peut-être pas une grande interruption et peut-être que le numéro 315 pour vous ne sera que dans 1 ou 2 semaines, mais pour nous, ce sera dans un peu plus longtemps. Donc, on se retrouve plus tard, en tout cas, pour une nouvelle salve de chroniques VO, sans doute un peu. Petit peu de VF si des choses nous interpellent. En tout cas, voilà, on a beaucoup de choses en VO encore qui sont à venir là, dans les semaines à venir. Ça n'arrête pas. Je ne sais plus donner de la tête. Et il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent. Il y a toujours des nouveaux trucs. Le nouveau projet de Scotty Young, il y aurait Corona. Enfin, ça n'arrête pas. Ils vont nous tuer. C'est probable. C'est probable. Et tout se passe chez Boom, ou chez Image. Mais... Oui. Allez, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite. D'ici là, bonne lecture à tous, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt.